Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, l'émission qui rencontre des artisans d'art lorrains et alsaciens dans leur atelier. Ce que vous venez d'entendre, c'est la boule Mix, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal du CIAV, le Centre International d'Art Verrier. Et c'est le résultat sonore de la boule de Noël Mix. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque Noël approche, donc Demain de Maître s'intéresse au métier du souffleur de verre, particulièrement au travail d'équipe et au quotidien de ces souffleurs qui exercent au CIAV. Alors là, on est à Wingen-sur-Moder, à 7 km de Meisenthal, la gare la plus proche de Meisenthal. Et je vais retrouver une des personnes de l'équipe qui vient gentiment me chercher pour aller sur le site. Allez, c'est parti. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour, vous êtes Yann Grinenberger, le directeur du CIAV, le Centre International d'Art Verrier. Bonjour, merci de nous recevoir ici au CIAV. Le plaisir est pour nous, merci beaucoup. Donc vous êtes le directeur de ce centre, présentez-nous tout d'abord un petit peu ce centre. Le site verrier de Meisenthal est un site qui a quasiment 300 ans, il est né en 1704, a fermé malheureusement en 1969, au son des cloches de l'église. Au moment où il a fermé, rien ne laissait présager qu'un second souffle était possible. On assistait là simplement à la fin d'une aventure industrielle. Heureusement, quelques érudits locaux ont construit et conçu un musée du verre qui a ouvert en 1983, qui a été la pierre angulaire un peu de la réhabilitation de ce site. En 1992 est né le Centre International d'Art Verrier que je dirige actuellement. Et dernièrement, la halle verrière, énorme bâtiment de 3000 m2, a été réhabilité et sert de terrain de jeu à une association locale qui programme des concerts, des festivals de théâtre de rue et des expositions d'art contemporain. Le Centre d'art verrier poursuit plusieurs objectifs. Celui tout d'abord qui consiste à sauvegarder les savoir-faire traditionnels verriers propres à ce territoire. Cela passe par des séances de transmission de savoir-faire avec d'anciens verriers, le rachat d'outils anciens, de moules, et puis des recherches historiques avec le musée et d'autres institutions. Deuxième objectif consiste à réinterpréter ces savoir-faire, donc le donner à revisiter à des créateurs contemporains, qu'ils soient designers, architectes ou plasticiens. L'objectif de ces collaborations, c'est de faire en sorte que des créateurs qui vivent cette époque réinterprètent des savoir-faire, et forcément ce qui en découle peut s'adresser aux personnes qui vivent cette époque. On n'est pas dans une stratégie qui consiste à faire à la manière d'eux à partir de savoir-faire anciens, mais on utilise les savoir-faire anciens pour créer et produire des objets contemporains. Et le troisième objectif consiste simplement à repartager tout ce travail pour permettre au grand public, au public de tout poil, de toute plume, de comprendre le verre, de l'aimer et puis de continuer à le faire vivre. Donc ce sont des expositions, des démonstrations commentées, de multiples séquences pédagogiques pour le jeune public et également la poursuite d'une ligne éditoriale de livres et d'objets. Cette ligne éditoriale, on peut parler aussi des boules de Noël de Meisenthal qui sont maintenant, on peut dire, presque mondialement connues. Comment est née l'idée de ces boules de Noël de Meisenthal ? Les boules de Noël de Meisenthal, c'est vraiment un projet, une production qui est tout à fait symptomatique de la posture portée par le Centre d'Art Verrier et qui traverse les trois objectifs dont je vous ai parlé il y a quelques instants. D'abord, on a identifié un élément de patrimoine qui est la production de ces boules de Noël entre 1858 et 1964 dans le village voisin de Götzenbrück. Ensuite, on a invité les derniers verriers vivants en 1999 qui les avaient produites. Ils nous ont appris la manière de les fabriquer et on s'en est saisi. On a sauvegardé ce savoir-faire et on en a fait un terrain de jeu pour des créateurs contemporains. C'est là qu'on a imaginé relancer une ligne éditoriale d'objets décoratifs de Noël en ouvrant une première fois un dimanche après-midi en 1999. Et depuis, voilà, les choses se sont amplifiées, beaucoup de travail. De multiples créateurs se sont penchés sur cette production, du marketing, de la promotion, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les boules de Noël de Meisenthal, qui n'existaient pas il y a 15 ans, est devenu un phénomène reconnu, qui a beaucoup de notoriété. Actuellement, nous produisons 30 000 boules pour l'hiver, qui sont intégralement vendues. Et effectivement, vous avez parlé là de boules de Noël, de 30 000 boules par an, pour l'édition de Noël. Donc il y a effectivement une ligne traditionnelle, si j'ai bien compris, qui est rééditée chaque année, et une ligne plus contemporaine, où là vous invitez des designers, des créateurs à revisiter la tradition. Et cette année, vous avez fait venir deux créateurs, deux alchimistes, pour créer la boule Mix 2015. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est quoi cette boule Mix ? Alors effectivement, nous avons une ligne traditionnelle qui reprend des formes archétypales traditionnelles de sujets figuratifs de Noël, tels qu'on les produisait à l'époque ici sur le territoire. Des boules, des petites pommes, des raisins, des pommes de pin. Nous développons aussi depuis le début des années 2000 une ligne contemporaine. Donc l'objectif, c'est chaque année permettre à des jeunes créateurs, designers surtout, à revisiter cette tradition des boules de Noël pour nous proposer de nouvelles voies d'exploration, de nouvelles interprétations de cette tradition. Et nous avons, année après année, donc, développé cette ligne contemporaine qui au début était très confidentielle puisque la première typologie de clientèle était plutôt attachée à la tradition. Mmh. Mais on voit qu'au bout de 15 ans, les tendances s'inversent. Même si la ligne traditionnelle reste le socle de notre production, les objets contemporains ont vraiment du vent en poupe et se vendent très bien. Et donc là, c'est Mix, cette année. Voilà, donc la méthode de travail est la suivante. On présélectionne pendant l'année quelques équipes en Europe de designers à qui on envoie un cahier des charges, avec qui on s'entretient. Ils nous font des propositions et on choisit le projet qui nous paraît le plus adapté à notre production. Et cette année, effectivement, nous avons choisi le projet de deux jeunes designers, Juan Pablo Naranjo et Jean-Christophe Ortlieb, qui constituent le studio NOC, oui, studio de design à Paris, et qui sont partis d'une très belle idée qui consiste non pas à dessiner un objet, mais concevoir un protocole technique qui allait donner naissance à des formes. Tout simplement, ils ont enregistré le son que produisent les pas d'un être humain dans la neige. Ils les ont donc enregistrés. Ils en ont déduit des ondes sonores par voie informatique. Ondes sonores qui, lorsqu'elles sont découpées, mis en trois dimensions, donnent un certain nombre de formes. Donc ils ont sélectionné des centaines de formes, ils sont venus nous les présenter, on les a passées au crible, des possibilités, des contraintes du verre, pour finalement retenir une forme qui allait être transformée en boule de Noël, en moule, puis en boule de Noël, et donc Mix est né. C'est une boule qui est née d'une évocation hivernale, de ses pas dans la neige, et qui finira, on l'espère, sur de nombreux sapins. On l'espère aussi. Et bien justement, rendons-nous dans l'atelier, juste en dessous de nos pieds, pour comprendre le travail des souffleurs de verre, aussi AV, et enfin découvrir la confection de la boule de Noël Mix. Bonjour, vous êtes souffleur aussi AV au Centre international d'art verrier. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Gilles Jean-Marc. Donc, je suis souffleur au CIAV depuis 12 ans. Et je suis un peu chef de l'équipe, donc chef de l'atelier. Voilà. Donc il y a 8 verriers au quotidien ici au CIAV. Voilà, exactement. On est 8 souffleurs de verre. Et pour la saison de Noël, on accueille pas mal de stagiaires. Quelle rencontre vous a amené au travail du verre ? Donc moi, c'est un peu dans la famille. Alors j'avais un grand-père souffleur de verre au Cristallerie de Saint-Louis, un autre grand-père tailleur, et mon père était tailleur sur cristaux aussi. Donc c'est un peu dans la famille, quoi. C'est un peu de père en fils. Vous étiez prédestiné presque. Non, pas trop. Mon père n'était pas trop chaud que je me lance là-dedans. Ah. Mais bon, moi, ça m'a toujours plu. Et, voilà. Et quel est votre parcours, vous, personnellement ? À la base, j'ai fait un bac en mécanique, en construction mécanique, dont j'ai travaillé à Cristallerie de Saint-Louis pendant un an et demi, mais dans la maintenance. Oui. Et après un an et demi, j'ai dit je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et cette matière m'a attiré. Donc, pendant que les verriers faisaient leur pause, moi, j'ai essayé de faire du verre. Et ça m'a tout de suite plu et je me suis lancé. Quoi. Ils m'ont proposé de me former sur le tas. Et donc, ça, c'était en 1994. Et depuis, je suis souffleur de verre. Pourquoi le CIAV ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ? Il y a une ambiance particulière ? Donc j'ai travaillé à Saint-Louis pendant pas tout à fait 10 ans. Mais Saint-Louis, c'est l'usine, quoi. C'est vraiment la production, c'est les 3-8. Et en 2002, une place s'est libérée à Meisenthal. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quand même plus artistique. On voit du monde, on n'est pas cloîtré comme à l'usine, quoi. Oui, vous rencontrez des designers, des artistes, justement pour créer cette boule de Noël chaque année nouvelle, c'est ça ? Voilà, déjà, donc au CIE, il y a plus de liberté dans le métier. Alors qu'à Saint-Louis, on a le dessin, on fait la même pièce 8 heures par jour, tous les jours. Et ça m'a gavé. Bon, je regrette pas l'usine. À l'usine, je me suis fait la pâte, comme on dit dans le métier. Vous avez appris ? Voilà, j'ai appris. Mais après, moi, je dis toujours que le CIAV, c'est la meilleure école pour les verriers. Parce qu'on voit de tout. Donc De tout, c'est-à-dire ? Donc, on passe du petit verre à liqueur au plus gros vase, à la plus grosse sculpture des artistes. On fait vraiment de tout. Et qu'est-ce que vous aimez au quotidien dans votre travail de souffleur au CIAV ? Moi, ma spécialité personnelle au CIAV, c'est un peu de faire de la recherche justement avec les designers et les artistes. Donc on accueille un designer pendant une semaine, 15 jours, ça dépend. Et là, on fait de la recherche jusqu'à arriver à un objet qui sera édité soit au CIAV, soit dans une galerie. Voilà, donc ça, c'est ma spécialité. Et cette année particulièrement, donc pour faire la boule mix, hein, qui est la boule de Noël, vous avez travaillé, vous et d'autres souffleurs de verre, peut-être avec les designers alchimistes de Nock Studio. Comment ça s'est passé cette rencontre ? Comment avez-vous travaillé ? Ça s'est passé un peu comme avec tous les designers. On accueille les designers, ils nous parlent de leurs projets. Donc là, cette année, c'était un peu flou pour moi, quoi. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de dessin, quoi. C'était assez spécial. Donc on les a accueillis, ils nous ont expliqué leur projet. Et de là, on est parti pour faire un moule en plâtre tout d'abord. Oui. Donc la forme au départ n'était pas faisable en verre. Donc on a beaucoup discuté de ça, de la forme. D'accord. Et après, on est parti sur un moule en plâtre pour faire les premiers essais. Et dès que la forme a fonctionné, on a fait faire deux moules en fonte dans un lycée technique à Haguenau. Pourquoi deux moules en fonte ? C'était obligatoire, cette étape-là ? Donc déjà, le moule en plâtre, il n'a pas une longue vie. Il tient pour 2-3 pièces, c'est juste pour les essais. En bois, ce n'est pas possible non plus pour une grande série. Donc l'idéal, c'est la fonte. Et vu que c'est un soufflet fixe, c'est une fonte un peu spéciale, c'est une fonte réfractaire, c'est un acier réfractaire. Ça veut dire quoi, un acier réfractaire ? Un acier réfractaire qui tient la chaleur, qui ne se déforme pas en chauffant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, donc la mix en fait c'est un petit peu l'enregistrement sonore de pas dans la neige qui a donné lieu à ces enregistrements sonores à des formes et cette forme donne mix au final, c'est ça ? C'est exactement ça, donc comme j'ai dit tout à l'heure c'était un peu spécial pour nous le temps de comprendre leur projet. Donc eux ils ont enregistré les sons d'un pas dans la neige et sur ordinateur ça a donné une sorte de graphique. Oui. Qu'ils ont mis en forme et donc en révolution pour en faire un moule. Donc des arêtes très tranchantes. Au début, c'était pas évident. Le verre n'était pas évident à préformer pour entrer dans le moule, tellement c'était tranchant. D'accord. Donc c'était un petit peu un défi aussi technique finalement. Hein. Bah chaque année, c'est un défi technique. Chaque année, c'est un challenge en fait. Hein. Donc on part de rien et on arrive à la boule de l'année. Et donc là, nous sommes dans l'atelier, au sein même des ateliers de Maisenthal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ou ce que vos collègues font ils sont justement en train de créer devant nous, là, la boule de Noël mix. Hein, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le cheminement d'une boule de Noël ? Au cœur de l'usine du Père Noël. Donc on va suivre un verrier. Oui. Hein, donc du début jusqu'à la fin de la boule. Très bien, allons-y, on vous suit. Donc là, on a Richard qui vient prendre une petite bille de couleur parce qu'on a un four de fusion. Oui. Qui contient uniquement du verre incolore. Donc pour fabriquer des pièces colorées, on utilise des bâtons de couleur qu'on préchauffe. On en découpe des petites billes et autour, on va prendre du verre incolore. Donc là, Richard a pris sa petite bille de couleur. Oui. Et a fait un premier cueillage de verre incolore par-dessus. Maintenant, il va maillocher le verre. Maillocher, c'est-à-dire ? C'est une sorte de grande cuillère qui permet d'arrondir le verre et le centrer sur la canne. Donc dès que le verre est maillotché, il va préparer le verre pour souffler la forme dans le moule. Donc il faut préparer le verre, c'est-à-dire qu'il faut prévoir le verre à l'endroit où on en a besoin pour vraiment répartir les épaisseurs. Donc il souffle dans la canne, il maintient la pression à l'aide de son pouce et au contact de la chaleur, l'air va se dilater dans le verre et va former une première bulle. Ensuite il réchauffe. Et il va trancher le verre pour le souffler au moule. C'est vraiment passionnant de voir au sein même du CIAV comment ça se forme. Alors il fait très très chaud, vous êtes habitué à la chaleur vous. Hein. C'est un métier passionnant parce qu'on part de rien. On part avec une canne, on va cueillir du verre dans le four qui est à 1150 degrés. Il faut s'imaginer, c'est un peu comme prendre du miel dans un pot avec une petite cuillère. Donc en fait, on part de rien et on arrive à un objet, je dirais même artistique. Voilà, donc la Richard va trancher. Il faut toujours avoir la bonne température pour faire le bon geste. Maintenant, il va souffler. Donc la boule mix, c'est un soufflet fixe. Donc c'est soufflé grâce à un piston, c'est-à-dire de l'air comprimé. Car la forme est tellement anguleuse qu'on n'arriverait pas à remplir la forme à la bouche. Voilà, donc là, elle est soufflée. Maintenant, il va encore réchauffer la boule pour la détacher sur un petit socle. Et dès qu'elle est détachée, on va y déposer une attache. Donc l'attache, on va la déposer sur l'ouverture de la boule. À l'endroit où elle est détachée de la canne, forcément, on a une ouverture, vu que c'est un objet creux, soufflé. Donc on va d'abord déposer une petite quantité de verre sur l'ouverture qu'on va aplatir. Donc ça va former une petite pastille. Et après, avec le verre restant, on va former une boucle qu'on va coller sur la pastille. Donc comme le verre est très chaud et encore fluide, ça va carrément se souder. D'accord. Voilà. Et dès qu'un objet est terminé, on ne peut pas le laisser refroidir à l'air libre. Pourquoi ? Oui. Tout simplement parce qu'on a différentes épaisseurs dans l'objet. Donc les parties fines refroidiraient plus vite que les parties épaisses. Ça ferait des tensions dans le verre et ça, c'est sûr que ça casserait par la suite. Ah, d'accord. Ça peut carrément exploser. Donc pour éviter ça, on dépose toutes les pièces qu'on fabrique dans un four de recuisson. Donc le four de recuisson, c'est un four électrique qui est maintenu à 500 degrés pendant toute la journée de travail. Donc on stabilise toutes les pièces à 500 degrés. Et le soir, on programme le four et il va descendre tout doucement en température durant toute la nuit. Donc ça va par palier. Et de cette manière-là, toutes les épaisseurs vont refroidir à la même vitesse. Et donc il n'y aura plus de tension dans l'objet. D'accord, ok. Ah oui, effectivement, c'est très technique et ça demande un grand savoir-faire. Ah oui, c'est technique. Ça demande un savoir-faire parce qu'on dit que pour former un bon verrier, il faut compter une dizaine d'années. D'accord. Pour qu'il maîtrise toutes les techniques du métier. Et au sein de votre équipe, est-ce qu'il y a des savoir-faire particuliers ? Est-ce que selon les personnes, il y en a qui savent maîtrisent plus des techniques que d'autres dans le verre ? De toute manière, chacun a un peu son savoir-faire parce qu'on vient de différents domaines. Moi, personnellement, je viens des cristalleries de Saint-Louis. Donc là-bas, on fait beaucoup de services de table, de lustrerie. J'ai fait des brocs et carafes pendant 5 ans. Donc ça, c'est un peu ma spécialité. Ensuite, Richard, qu'on a suivi pour la boule de Noël, a travaillé à Saint-Louis également pendant 20 ans. Oui. Donc lui, il est plutôt spécialisé dans le presse-papier. D'accord. Donc il travaille au chalumeau. Ensuite, on a des verriers qui viennent de chez Lalique. Oui. Donc Lalique, c'est du verre injecté. Donc chacun a un peu sa spécialité. Et en fait, on a appris un peu à travailler ensemble au centre d'art verrier pour fabriquer ces boules de Noël. D'accord. Voilà. Et là Richard a fini sa boule de Noël mix. Il en refait une autre. Noël et se repartit pour une autre boule. Ouais. Combien vous estimez faire de boules de Noël dans une journée, comme ça, une journée de travail ? Après, ça dépend des modèles qu'on fabrique. Mix, on en fait 250 par jour. C'est énorme. À 4 souffleurs. Et à côté, il y a une équipe qui fait un autre modèle encore. Donc en moyenne, on fabrique entre 300 et 400 boules de Noël par jour. Ah oui, c'est vraiment très intense la paire de Noël pour Maisonetal, pour le CIAV. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'usine du Père Noël. C'est vraiment production à plein pot. Oui, je peux vous dire que moi qui suis dans l'atelier, c'est l'usine dans le sens quantité, mais c'est aussi l'usine du Père Noël parce que c'est magique de voir à la fois par la vue, le son, l'ouïe, toutes ces odeurs et tous ces sons. Et pour un jeune qui souhaiterait devenir souffleur de verre, quel conseil est-ce que vous lui donneriez ? C'est le conseil que je donne à mon petit qui a 12 ans, qui a l'intention de faire ce métier. Déjà, il faut passer par l'école parce que maintenant, ça ne se fait plus comme moi, j'ai eu la formation que j'ai eue moi-même. Apprendre sur le tas, ça ne se fait plus de nos jours. Donc, il faut passer par l'école, il faut faire un CAP, oui. Ensuite un brevet des métiers d'art. Oui. Mais après, c'est après en travaillant qu'on apprend vraiment le métier, qu'on se fait la main. Vous apprenez tous les jours ? On en apprend tous les jours. Le verre, c'est une matière vivante, ça bouge. Donc, tous les jours, c'est différent. C'est ça qui vous passionne ? C'est ça, voilà, c'est ça qui passionne un petit peu. Vous, au quotidien, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Heureux, c'est plutôt le niveau créatif, on va dire, hein, parce que c'est carrément un métier artistique. Voilà, c'est ça un peu qui me passionne, quoi. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous avez une technique, un outil particulier avec lequel vous préférez travailler ici au CAV? Ben, disons, les outils, c'est y a pas grand-chose comme outil. On a des ciseaux, on a des petites planchettes en bois, c'est assez rudimentaire, quoi. On travaille encore avec les mêmes outils qu'il y a 300 ans en arrière, donc il n'y a pas de préférence. C'est, la base, c'est une canne de soufflage, une maillotche, donc c'est la cuillère que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Et après, il y a des sortes de pinces et des ciseaux. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire du verre. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous accueillir ici au CAV, puis de répondre à nos questions et de nous permettre aussi de rentrer dans cet espace-là des souffleurs de verre. C'est vraiment magique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez juste me dire ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de resserrer avec des ciseaux à anse pour pouvoir détacher la boule de la canne. Donc ça crée des chocs thermiques. Et ce qui fait qu'avec juste une petite vibration sur la canne, la boule va se détacher toute seule. Et vous êtes souffleuse de verre, c'est ça? Oui, j'essaye. Et je suis là de plus en plus souvent, donc j'apprends de plus en plus et voilà. On va dire, j'essaye de devenir souffleuse de verre. Merci. Ça arrive, oui. Ça veut aussi dire que c'est compliqué hein, de faire la boule de Noël mix. Hein. Ouais, bon, encore celle-là, elle n'est pas très compliquée comme vous la fabriquez, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours des petits aléas. Des fois, ça passe pas. Des fois, c'est trop fin, alors ça casse. C'est la vie, quoi. C'est ça, on n'est pas des machines et voilà, quoi. Ce qui fait aussi la magie des boules de Maisental, c'est fait main. C'est ça, et que du coup, chacune va être différente. Et là, surtout sur celle-là, ça se remarque assez parce que la couleur... Ben, en fonction de la manière dont on va la souffler, elle va se répartir différemment. Et la boule est assez grande, en fait. Donc, on voit beaucoup les variations, en fait, dans la répartition de la couleur sur chaque boule. Donc, il y a des endroits où c'est plus clair et d'autres endroits où c'est plus foncé. Ah, d'accord. Avec le même moule. Avec avec la même couleur. Mais du coup, en fonction de la manière dont on va la souffler, il va peut-être y avoir plus d'épaisseur de couleur en bas et moins en haut. Du coup, ça crée des variations... Merci beaucoup. Et vous êtes Marianne. Marianne, ouais. Merci Marianne. C'est quoi votre rôle? Moi je tiens le moule pour permettre au verre de pouvoir gonfler à l'intérieur sans que le moule s'ouvre en fait. Et donc là je mets un brûleur à l'intérieur afin de le laisser en température élevée pour pas qu'il y ait un choc thermique. Vous vous appelez comment et vous faites quoi au sein du CIAV? Je m'appelle Nolwenn Ogor et je suis en stage pendant 6 semaines ici. Et donc j'étudie au lycée à Sarrebourg. Pour être souffleuse de verre? Ouais, voilà. Et pourquoi le CIAV? Parce que je voulais savoir comment ça se passait dans des boîtes où il y a pas mal de personnel. Et découvrir un peu... Comment ça se passait, quoi, voilà. Et ça vous plaît? Oui, oui, oui. C'est assez varié dans ce qu'ils font. Bah, en ce moment, c'est plutôt les boules, mais en général... En général, voilà, c'est sympa. Je vous laisse travailler. Quelle qualité, selon vous, il faut avoir pour être souffleur de verre, selon vous? Il faut avoir l'esprit créatif, je pense. À la base, il faut savoir dessiner pour créer des belles formes. Il faut savoir dessiner un petit peu au départ. D'accord. Okay. Et être habile de ses mains, j'imagine. Ah oui, oui. C'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est conseillé plutôt. Est-ce que je peux vous reposer une question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous ressentez quand les visiteurs ils viennent voir votre travail pour les souffleurs de verre? Action pour nous d'avoir plein de visiteurs là-haut. Donc, parce qu'il y a à force, comme ils sont sur la mezzanine, à force on les voit même plus les gens. On est tellement concentrés dans notre travail qu'on les voit même plus. Mais c'est vraiment une réelle joie de faire découvrir, partager votre travail. Ouais, on partage notre métier, notre savoir-faire. Et vous en êtes fiers, j'imagine. On en est fiers, oui. Je vous laisse terminer. Merci beaucoup. Vous avez été récemment lauréat du 15e prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, pour votre contribution à la sauvegarde et la transmission des métiers d'art français, notamment par la relance de cette tradition justement lorraine de la production des boules de Noël. Boules de Noël qui sont réputées incassables. Alors, c'est évidemment une belle reconnaissance pour vous personnellement, mais aussi pour l'ensemble, j'imagine, du CEAV, l'ensemble des personnels qui travaillent ici, dont les souffleurs de verre. Qu'est-ce que ce prix va permettre de faire au CEAV ? Il est évident que notre travail se situe ici à Meisenthal, petit village de 700 âmes, au fond d'une vallée perdue des Vosges du Nord, en Moselle, à quelques pas de l'Alsace. C'est vrai que nous, on ne recherche pas la lumière. Nous, on est ce qu'on appelle des laborieux, des travailleurs. On travaille souvent dans la confidentialité, on fait avancer des idées, et c'est vrai qu'on ne recherche pas la lumière, pas forcément. Alors quand elle se pose sur nous, comme ça, comme ce prix, qui est un peu de la science-fiction, hein, puisqu'on n'a rien demandé, je n'ai rien demandé. On a vu vous chercher. On nous a décerné ce prix, on m'a décerné ce prix. C'est vrai que on apprécie grandement. C'est le résultat d'un travail personnel et collectif. Et donc c'est vraiment une sanction positive qu'on accueille collectivement et dont on est tous fiers. C'est un prix qui va permettre d'une part une notoriété. C'est vrai qu'elle est grandissante dans les milieux du design, des savoir-faire. Meisenthal est connu et reconnu. C'est vrai qu'auprès du grand public, on n'est pas forcément une structure encore connue. Après, on ne recherche pas forcément à être mondialement connu parce que nous sommes une petite structure à échelle humaine et on veut garder cette... Ce côté familial, presque. Ce côté familial, de camaraderie, de travail. Ce petit hors-bord qui peut rapidement faire le choix de changer de direction sans forcément mettre 2 ans à le faire parce qu'on serait trop gros. Oui. Néanmoins, aussi, ce prix va nous permettre d'améliorer nos capacités de production, nos ateliers, puisqu'il est prévu que la Fondation Schubert-Bettencourt nous finance un troisième four, une troisième place de travail, comme on dit dans le jargon, ce qui va nous permettre d'accueillir plus d'écoles d'art en workshop, plus de designers, et puis d'améliorer un peu notre capacité à répondre à ces beaux projets. Très bien, merci beaucoup, et puis longue vie à, du coup, aussi à Wien-Meisenthal. Merci beaucoup, joyeux Noël. Merci vous aussi. Jusqu'au 29 décembre, sauf les 24 et 25, vous pouvez assister depuis la mezzanine à des démonstrations par les souffleurs de verre du CEAV de Meisenthal. Il y a également une exposition sur l'histoire des boules de Noël de 1858 à nos jours dans la cour intérieure du site Verrier. Retrouvez toutes les informations liées au Centre international d'art verrier sur la page internet Demain de Maître, ainsi qu'une présentation du métier de souffleur de verre, de la formation et des débouchés. Ressentez aussi l'ambiance des ateliers de Meisenthal avec des photos prises lors de l'interview au CEAV sur la page Facebook Demain de Maître. Le mois prochain, nous irons à la rencontre d'un luthier. D'ici là, Demain de Maître et Fadjet vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année.